ce matin, on le déclare encore une fois. Que le faible dit, je suis fort. Le pauvre, je suis fort. Que la mort, je suis fort. On y va maintenant, il y a un bon. Jésus, on y va ensemble ce matin. Je te loue. Quelqu'un s'approprie ce mot ce matin. Je te loue. baba raba ba shinda la raya raba ba rubu bu seta. Haria karamana gloria karabu bu seta baba. Uri kare sarenta la brosa raba ba shete. Kori kanta la bororo bu bu shita ba. Pareyanta borera sata korara site. Jigalago ramana glorika barara baba santa babose. Gazi arianta la prosa porakasita mana gloria kabasha. Guzia gaziga mama renta bolorosa. Gazelego zaga mama kure rainda la brosa. Pare rainda la goze me gazuga la goza. Pakata rika turara mama gozi gala gala raba bashente lebosa. Rika pera papora rasita ramana gloria kababa sente lebos. Te nabungisa elikya. Te nabungisa elikya. Kondi mananga eka mwana yote. Unima uniko nanga. Te te nabungisa elikya. Te nabungisa elikya. Koni mananga eka mwana yote. Kolo kolo uniko nanga. Jinganga ikolo Luna yo, oyo kufela kika, na makila na yo, yatala na Yesu, olo, iko na, jinganga, jinganga iko lo, amanga Yesu, nango luna yo. Seigneur, accomplis tes desseins ce matin. Nous t'acclamons et nous t'apprécions. Tu as versé le sang précieux pour nous restaurer. Reçois la gloire, la louange dans le nom de Jésus. Amen. Salut quatre personnes et dis merci d'être dans ce tournant. Dis félicitations pour ces 2 semaines dans le tournant décisif. Alléluia. Alléluia. Nous voulons clôturer avec les 2 dernières batailles qu'il faut. Oh, j'ai l'impression que je l'interprète. Donc. Alléluia. Nous voulons clôturer les 2 dernières batailles, 2 combats qu'il faut remporter quand on est de la race de ceux qui doivent réussir. La Bible dit, tout ce que nous faisons, nous devons réussir. Et nous avons compris que nous devons remporter 7 batailles. La première bataille, c'est la bataille de divinité. La 2e bataille, c'est la bataille de transition. Il faut vaincre la transition dans la vie. La 3e bataille, c'est la bataille de décalage. Il faut bien gérer les décalages, réussir à ce niveau-là. La 4e bataille, la bataille des hôtels, il faut réussir. Il y a un frère qui était en train de m'entretenir après le premier culte, que Dieu lui a montré qu'il y a eu des sorciers qui ont fait un sacrifice humain contre les tournants. Et j'ai dit, voilà, Dieu est bon parce que le sacrifice de Christ est plus que tous les sacrifices que les occultistes peuvent faire. Le cinquième combat, c'est le combat de Jézabel. Le 6e, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, et le 7e. Je vais parler de la bataille de localisation ou de délocalisation. En fait, quand on a perdu cette bataille, on va être délocalisé. Quand on a gagné cette bataille, on reste à sa place. Et je vais parler de la bataille de transfert. La bataille de legs, la bataille de transférer la grâce. Mais j'ai fait un effort, j'ai passé quelques nuits en train d'écrire. Et donc, vous pouvez tout avoir ici. Dans ces bouquets, j'ai mis les points de prière pour chaque bataille, comment vous pouvez orienter votre prière. J'ai mis les principes pour vaincre les batailles. Et j'ai mis quelques vérités qu'on peut retenir sur ces batailles. Je sais que j'ai un problème de parler beaucoup. Je continue à prier pour ça et Dieu va me délivrer. Mais c'est pourquoi j'écris, pour que ce que je ne sais pas terminer, vous pouvez l'avoir là-bas. Et quand vous êtes là, ce que je peux ajouter pendant que je parle, vous pouvez tout avoir. Mais nous bénissons le Seigneur pour nos équipes de médias, que Dieu le bénisse. Nous pouvons acclamer ces gens. Wow. Ils sont représentés aujourd'hui par le frère Gustave et son assistant. Que Dieu, Octave, voilà, que Dieu vous bénisse. Il y a Justin qui est là caché, d'autres sont cachés dans le bureau là-bas. On a reçu beaucoup de réactions des gens qui suivent tout ce que nous sommes en train de suivre quand nous sommes là. Il est là, il a l'onction, ce frère-là. Il chasse les démons calmement avec ces images-là. Il y a des amis, des archois qui sont en train de suivre les tournants sans être là. Moi-même, j'avais raté quelques jours, mais j'étais en jour. Chaque soir, je me connectais et j'avais tout. Et donc, si vous perdez la séance, il ne faut pas dire que vous avez perdu. Dieu est en train d'élever la maison. Alléluia. Dis avec moi, Dieu a élevé la maison. Donc, vous pouvez suivre même ces messages sur Facebook. Après, vous allez me voir tel que je suis là avec mes gestes. Ça reste. C'est sur notre page, Église H, Facebook. Alléluia. Il ne faut pas aller là-bas seulement pour dire non, Jésus est bon. Avoir ce message à 10 personnes, si tu ne la vois pas, tu ne l'aimes pas. Il ne faut pas passer le temps dans tout ça. Il faut aussi aller dans notre page. Il y a deux de mes livres que j'ai écrits qui sont là-bas. Si vous avez le problème de sponsoriser mon ministère d'écrivain, vous les avez gratuitement là-bas. Vous allez seulement et vous accédez à ça gratuitement parce que vous avez du mal à acheter ça. Mais le jour où je suis rempli de démons, je vous amène l'huile d'onction, vous allez acheter ça. Mais quand on est dans les valeurs, personne n'encourage. Qui m'a déjà encouragé à écrire? Me regarde comme ça. Mais le jour où je dis, le Seigneur m'a parlé, j'ai des mouchoirs, ouin. Allez, $100, vous allez recevoir l'onction, tout ce que j'ai reçu à la montagne. Vous allez amener ça. Parce que nous sommes dans une génération déjà qui aime les antivaleurs. Et les valeurs ne sont pas encouragées. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu encourages des bonnes choses? Alors demande-lui s'il a mon bouquet, s'il a déjà acheté mes livres. Bon, si vous n'achetez pas ça, nous avons le média. On va mettre ça gratuitement. Vous pouvez l'avoir sur notre site web. Mais il y a un lot pour ceux qui peuvent avoir besoin de lire, parce qu'il faut protéger les yeux aussi. Quand on lit dans les livres, c'est différent. Amen. Et il y a la grâce qu'on reçoit dans les livres, parce qu'il y a un esprit qui écrit. L'apôtre Paul est en train de, l'apôtre, disons, David est en train de dire, il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il y a de la grâce qu'on reçoit pour les serviteurs de Dieu qui écrivent. Il y a leur esprit qui passe aussi par leurs écrits. Alors, j'ai parlé hier de la bataille de Jézabel que je vais frôler un peu avant d'atterrir dans la bataille de... Oh, quelqu'un s'est dit, c'est combien? C'est à 2 dollars, c'est ce qu'on m'a dit. 2 dollars seulement, vous avez tout. Alors, je parle de la bataille, je reviens sur la bataille de Jézabel, et ça me permet d'introduire la bataille de localisation et de transfert. Notre texte de base, c'est d'abord le livre de 1 Roi, chapitre 19, le verset 13 à 17. 1 Roi 19. 13 à 17. Je vais lire deux versets seulement, le 13e et le 15e. Et Vous ajoutez à ça 1 roi, chapitre 19, le premier au troisième verset, ce que nous avons lu hier. Là, nous parlions de la bataille de Jézabel. Mais il y a une définition de Jézabel sur laquelle je vais revenir. Et ça va expliquer ce que nous sommes en train de dire là. Au chapitre, au verset 13, la Bible dit, « Quand Élie l'attendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix qui lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Ça, c'est la bataille de la localisation. Dieu pose la question à son serviteur. « Tu es dans un endroit où je ne te vois pas. Je ne te vois pas ici maintenant. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Ce n'est pas mon plan que tu sois ici. Que fais-tu à cet endroit ?» Au verset 15, la Bible dit, « L'Éternel dit, va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Dimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shephat, d'Abel et Ola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. Dieu s'adresse à son serviteur qui a appelé le feu sur la montagne de Carmel. On a parlé de la bataille des autels. Quand le feu est descendu, il est allé prier. Et quand il est allé prier, la pluie est revenue. D'ailleurs, la Bible dit que Akab était avec Élie. Et Élie lui dit, attelle ton char, va vite chez toi, parce que l'autel de Dieu vient d'être restauré, le feu vient de descendre, ça veut dire la pluie est en train de revenir. J'attends le son de la pluie. J'entends les bruits qui annoncent la pluie. Et pour que cette pluie ne t'atteigne pas en cours de route, fuis. Et la Bible dit, Akab attela son char et il alla dans son palais. Et Élie ceignit sur sa ceinture et commença aussi à aller dans sa direction. Et finalement, la pluie est venue. Et Akab donne le rapport à sa femme qui s'appelle Jézabel. Il dit, Jézabel, nous avons été à la montagne. Le feu est descendu. Et en fait, l'autel de tes prophètes ou l'autel de nos prophètes n'a pas réussi. Il fallait que le feu descende. Mais le feu n'est pas descendu sur leur autel. Mais le feu est descendu sur l'autel d'Élie. Et le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et on a égorgé les prophètes de Baal. Et toi-même, tu vois que la pluie vient de revenir. Jézabel dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne tue pas Élie. Je dois couper la tête d'Élie. Je dois détruire Élie. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas de la liste de ceux qui doivent croire. Même quand le feu descend, même quand la pluie revient, même quand tout le monde reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu, moi je suis fille des divinités, je suis fille des Nimrod, je dois venger même le faux parce que je suis de leur camp. Savez-vous que sur le chemin de votre réussite, vous rencontrerez ce genre de gens? Il y a des gens dans la vie qui vous feront confiance gratuitement. Ils vous rencontrent et ils vous aiment. Ils vous acceptent. Ils croient en vous sans problème. Ce sont des gens que Dieu vous donnera sur le chemin de la vie. Il y a d'autres personnes qui ne vous croiront jamais si vous ne les avez pas prouvées. Si vous êtes pasteur, le jour où vous faites un miracle, ils vous croient. Si vous êtes célibataire, le jour où vous vous mariez, ils vont commencer à croire à vous. Si vous êtes un homme d'affaires, le jour où votre capital monte, ils vont croire et ils vont être gentils. Si vous êtes locataire, le jour où vous déménagez dans votre propre maison, ils vont commencer à dire, oui, il est sérieux. Hein? Ça va, il est intelligent. Mais il y a d'autres, malgré tout ce que vous faites, ils ne vous croient pas. Ce sont des Jézabel. N'acceptez pas qu'ils perdent votre temps. Vous avez une mission à accomplir. Il y a beaucoup de distractions sur le chemin de la foi. Alléluia. Si vous suivez tout ce qui se dit sur vous, alors vous risquez de perdre votre focus. Un meilleur joueur n'écoute pas les acclamations ni les injures. Nous avons eu un meilleur footballeur qui a fini sa mission par un coup de tête. Vous le connaissez, il s'appelle Zidane. Le monsieur, il a vu qu'il l'a dribblé. Il est meilleur joueur. Il est en train de dribbler. Et la personne dit, j'ai l'injurie. En fait, c'est Zidane, il a les racines africaines. Les racines algériennes. Et où lui a injurié, pauvre africain. Comme on nous voit comme des singes. Il était fâché, on lui a donné une injure. Il s'est tourné. Au lieu de faire des coups de tête, des balles, il a donné ça à l'homme là. Bah! Et c'était carte rouge. Il y a des gens même qu'à vous dribbler. Ils ne seront point convaincus. J'ai vu beaucoup de footballeurs africains ont eu des problèmes dans les équipes européennes parce que malgré leur victoire, on les traite comme des Africains, comme des nègres et ils parlent de racisme. Même quand on a déjà la nationalité, on vous rappelle que vos origines, vos aïeux sont enterrés là-bas en Afrique. Il y a des gens dans la vie, notre onction, nos exploits, nos progrès ne les disent rien. Ils n'ont même pas besoin de nos projets, nos progrès. D'ailleurs, quand nous nous améliorons, ça les énerve. Ne leur fais pas attention. Si tu veux aller loin avec Dieu, écoute ce qui t'encourage. Si tu peux écouter tes ennemis, tu prends les leçons. Leur critique te permet de t'améliorer, mais tu poursuis ton chemin. Dis à celui qui est à côté de toi, poursuis ton chemin. Ta vie ne consiste pas à prouver les gens. Ta vie ne consiste pas à démontrer aux gens. Ta vie consiste à remplir la mission. Nous avons perdu beaucoup de temps dans la recherche de l'approbation des hommes. Nous avons beaucoup perdu le temps dans les recherches de prouver les gens. Sur le chemin de la victoire, il y a le Jézabel. Il refuse. Même quand la pluie revient après 3 ans et demi. Même quand le feu descend, il continue à croire que nous n'avons pas de Dieu et que nous sommes candidats à la mort. Nous ne méritons rien. Il y a des fois où on a fait bon travail, on s'attend à la récompense, mais Jézabel te promettra la mort. Quand tu as fait un bon rapport au travail, on cherche comment te nuire. Tu dis, mais à quoi ça sert? Je me suis amélioré. Je travaillais pour le progrès de l'entreprise et je suis ennemi de tous parce qu'ils aiment la bassesse. Et quand tu te perfectionnes, ne t'attends pas aux acclamations de tous. Jézabel s'élève. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que le feu est descendu. Je m'en moque. Je n'ai pas besoin de voir la pluie. Je m'en moque. Parce que mon problème n'est pas le peuple. Moi, j'ai toujours l'eau. On peut aller même chercher l'eau dans les pays étrangers. Je suis la reine. Je vous ai parlé de quitter le sauteur pour aller vers la veuve. La pluie qui revient sur Israël ne dit rien à la femme de Jézabel parce qu'elle est dans le palais royal. Même l'eau, on peut l'amener de loin. Et donc le retour de l'eau pour elle, ça ne signifie rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés des vainqueurs. Mais soyons préparés que pendant que nous serons en train de célébrer certaines victoires, il y a des gens qui graissent les dents. Et ne regardez pas leur face. Non. Concentre-toi sur le Seigneur. Alléluia. Concentre-toi sur le Seigneur. Il y avait à côté de la croix de Jésus, les gens qui pleuraient et les gens qui se moquaient. Chacun disait ce qu'il croyait. Il y a d'autres qui disaient, il a ressuscité le mort. Comment il ne sait pas se sauver de la croix? D'autres disaient, mais les justes, il vient de mourir injustement. D'autres disaient, mais il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus a dit, je m'en moque de tout ça. Même sur ma croix, je suis roi. Je garde ma noblesse. Sur la croix, je peux pardonner. Sur la croix, je peux élever d'autres. Il dit, tu seras avec moi dans le paradis. Sur la croix, je peux donner des directives. Reste roi, même quand tu es sur la croix. Et Jésus pouvait dire à Marie, Marie, ne t'apitoie pas sur moi. Jean, ne t'apitoie pas sur moi. Marie, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Continuez la vie. Moi, j'ai achevé ma mission. Et il a dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Je n'ai pas besoin de ce que les gens disent. Je sais que je viens d'achever ma mission. Et quand il a dit ça, mon Seigneur Jésus, la Bible déclare que la voix a quitté Golgotha. Et il a traversé la vallée jusqu'à aller atteindre le temple. Et dans le temple, le voile s'est déchiré. Il y a des résultats que tu atteindras sans les acclamations. Alors que les gens étaient en train de se lamenter, de regretter le sort de Jésus sur la croix, il y avait des choses qui se passaient au temple. Bien-aimés, il y a des victoires que nous ne verrons pas. Mais ce ne sont pas moins des victoires. Sais-tu qu'il y a de tes enfants et de tes petits-enfants que tu ne verras pas, qui vivront les conséquences de la prière que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci pour les victoires qui atteindront le petit fils? Car la Bible déclare, l'homme qui est béni par le Seigneur, il est béni jusqu'à la millième génération. Je bénis Dieu pour le petit fils qui jouira de mes prières. Je n'ai pas besoin de voir toutes mes victoires. C'est pourquoi dans la bataille de la transfert, du transfert, nous allons parler de léguer le pouvoir, de léguer la grâce. Les Achois ne doivent pas réussir dans ces temps ici. Les Achois doivent laisser l'héritage des victoires. Il y a d'autres parmi nous qui ont hérité les échecs des parents, les échecs des chefs, les échecs des responsables. Mais je t'en conjure au nom du Seigneur. Toi, tu ne laisseras pas un échec comme héritage. Toi, tu ne laisseras pas une faillite dans l'entreprise. Tu laisseras des avoirs. Tu laisseras le compte rempli. Dieu délivre le Congo. En 2003, j'étais à Kinshasa. C'était à l'époque où on faisait 1 plus 4. À ce moment-là, il y a eu des histoires qui se sont passées. Il y a des ministres à ce moment-là qui ont même enlevé les prises dans les bureaux ministériels. C'est-à-dire quand il y a l'autre ministre qui vient, on prend les chaises, on prend les ordinateurs. Le ministre qui vient doit recommencer à nouveau. C'est quelle mentalité? Tout le monde veut. Et ça, nous avons hérité, nous devons nous lever contre cet esprit. Il y a un leader de notre nation qui a laissé un héritage qu'on doit briser. Il a dit, derrière moi, c'est le délige. Je confesse cette matinée que toi, tu ne laisseras pas un délige. Même si on va faire tout pour monter de complots contre toi dans l'entreprise, laisse un héritage bien. Ne vole pas. Ne laisse pas de virus dans la machine. Dis ça à celui qui est à côté de toi. Toi, tu ne laisseras pas de virus derrière toi. Alléluia. Alléluia. C'est ça le transfert. Alors, sur le chemin de la vie, on doit vaincre ces choses-là. Cette femme menace Aka, elle menace Élie. Tu as fait des preuves. fleuve, mais moi je vais te tuer. Je prie que tout celui qui est à ces lieux et qui est menacé par l'ennemi, parce qu'il a eu la victoire, ce matin Dieu est en train de te dire, garde ta position, garde ta position, garde ta position, garde ta position. Vous savez quoi? Appelez le feu, ramenez la pluie, n'était pas ça la victoire. La victoire consistait à ramener la doctrine de Dieu. Savez-vous que dans l'église, nous avons raté ça? Nous sommes restés dans les miraculeux. Nous sommes restés dans les surprises. Et on a raté de faire le disciple. Dieu n'est pas dans le miracle. Dieu n'est pas dans les bénédictions. Dieu, il est dans sa parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, ceux qui étaient dans les difficultés, Dieu les a envoyés sa parole et sa parole les a guéris. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Make disciples. Quand on le parle en anglais, on dit fabriquer les disciples. Fabriquer, ce n'est pas un travail du tic au tac. Ce n'est pas un travail de recevoir. Non. Après avoir reçu, quand je reçois, pas, je tombe, je parle la langue. Il y a besoin que je m'assoie. La commission, le département d'évangélisation me montre les ABC, l'affermissement. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as déjà été dans la classe d'affermissement? Prêche avec moi, il ne faut pas être fâché, moi je suis relax là. Prêche avec moi, tu lui dis, vas-y, continue à lui prêcher. Tu lui demandes, tu dis, je n'ai pas besoin que tu parles la langue. Je ne te pose la question, je ne te pose pas la question. Si tu as déjà été délivré, je te demande, est-ce que tu as déjà été affermi? Parle avec moi. Sois gentil avec moi ce matin. C'est ça le problème que nous avons. Il y a beaucoup des amateurs dans l'église. Qui a sa carte de membre de l'Arche? Qui n'a pas? Il ne faut pas pécher dans les tournois décisifs. Qui n'a pas carte de membre? Alors posez-lui la question, pourquoi? Est-ce que tu aimes cette maison? C'est gratuit. Alléluia. Mais quand au compte, on dit non, à l'Arche, nous sommes à combien? Mais vous voyez? Alléluia. Allez faites, fabriquer des disciples. Dieu n'a pas besoin d'une église émotionnelle. On est même dévié. Quand les gens se lèvent, ils acclament, nous disons non, la prédication a été bonne. Quand les gens sont calmes, on dit non, non, que ce message a été quoi bien. Ça nous a même rattrapé, nous les prédicateurs. Je peux prêcher un message bien et vous me regardez comme ça. Je dis, mais est-ce que vous êtes fâchés? Mais la parole des fois fait fâcher. Si nous sommes fâchés, quel est le problème? En fait, nous voulons les sensationnels. Dieu n'est pas dans les sensationnels. Quand on fabrique des disciples, on leur dit la vérité. Aujourd'hui, nous avons changé la chose. Alléluia. Parce que Jézabel s'est levé. Il nous a délocalisés. En fait, après que la pluie soit revenue, après que le feu soit revenu, il fallait maintenant chasser la culture que Baal a placée. Il fallait chasser l'enseignement que Baal a placé. Et ça, ce n'est plus le surnaturel. Il faut prendre les livres de la loi, commencer à enseigner. Il faut ramener les prophètes qui ont été chassés, le ramener à leur position, qu'ils enseignent le peuple. Maintenant, la bataille, on délocalise le prophète. On lui fait pression pour qu'il quitte ça. Mais nous voyons, nous croyons que Élie a réussi. Et nous chantons. Élie, Aliomba, Moto, Ushima, Mekama, tout ça. Son moto échoue. Et on chante. Moto, Moto, tout ça. Il a échoué. C'est pourquoi Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? Tu es ici? Parce que Jézabel t'a menacé. Vous allez voir dans la suite que Élie, avant de monter, il a tué des hommes. Papa a dit ça la fois passée. Les gens viennent, 50, ils disent quel effet descendre, qu'ils vous consument. Pourquoi il n'a pas demandé ça pour Jézabel? Pourquoi? C'est une fille de Nimrod, c'est une occultiste, c'est une fille qui amène l'impudicité dans l'église. Elle n'est pas plus meilleure que les 450 prophètes qu'on a égorgés. Elle a détourné la maison de Dieu. Et la Bible dit, la loi était claire. On dit, vous ne laisserez pas la sorcière vivante. Elle est dans la sorcellerie. Et sa sorcellerie se traduit par l'impureté. Vous savez, la religion dont je vous ai parlé hier, pour avoir la prophétie, on devait faire les rapports sexuels dans les temples. C'est même l'occultisme qui agit aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un, il est chez un pasteur, le pasteur couche avec elle. Il y a même les pasteurs qui font de l'homosexualité. Et si vous êtes un homme, il couche avec vous. C'est à Goma. Ce sont les fils de Jézabel. C'est une religion occulte. Il y a des pasteurs, il ne peut pas prêcher s'il n'a pas couché avec une femme. C'est la pratique de la religion mère-enfant qui a commencé avec Nimrod. C'est de l'occultisme. Et c'est ce qui était appliqué dans la religion de Baal. Dieu vous là, on parlera de Baal de manière détaillée ou de l'esprit de Jézabel. Ça peut prendre plus d'une semaine. C'est un esprit qui attaque le monde actuellement. Ce n'est pas au niveau seulement de l'église. C'est l'esprit qui conduit le monde. En fait, dans cet enseignement-là, vous allez voir le mariage qui intervient dans l'Apocalypse. Quand on dit qu'il y avait une femme qui a la coupe, mais qui est montée sur la bête. La bête, c'est Babylone. La femme, c'est Jézabel. Ce sont les deux esprits qui dirigent le monde. Cherchez la photo du bureau de l'Union européenne. L'image qui est sur le bâtiment, c'est la femme. C'est la femme, la femme et le cheval, qui est, disons, la bête qui est décrite dans l'Apocalypse. Ce n'est pas à cacher, vous allez chercher seulement le bureau de l'Union africaine, de l'Union européenne. On va vous montrer le bureau là, on va vous montrer ceci. C'est la femme qui conduit le monde. L'esprit de Jézabel, il ne faut pas voir femme à terme de femme, non. C'est un esprit. Ça agit à l'époque dans une femme, mais c'est un esprit qui conduit les hommes, qui conduit les femmes. Voilà, c'est fait, oui. On peut voir aujourd'hui dans les sommités des nations, des hommes qui ont marié leur mère. C'est ce que Nimrod a fait. Nimrod a épousé sa mère. Et il a été le plus puissant dans l'occultisme. Parce que quand on couche avec sa mère, on est maudit. Et on est déjà adopté par le diable. Aujourd'hui, la grande sorcellerie, l'occultisme se transmet par le sexe. Et ça, c'est le monde de Jézabel. Quand elle a vu Jéhu, elle voulait séduire Jéhu par son corps. Et la Bible dit, vous avez laissé Jézabel dominer l'église, celle qui est en train d'exposer les gens à l'impureté, à l'impudicité. Celle qui est en train de tuer les vrais prophètes. Que signifie Jézabel? Jézabel signifie celle qui n'a pas en elle la valeur, celle qui n'a pas de dignité en elle, celle dont le cœur est attaché au déshonneur. C'est ça le sens de Jézabel. Avons-nous le sens de l'honneur? Avons-nous le sens de la dignité? Savez-vous, nous devons développer la dignité même quand nous n'avons rien. Vous pouvez être juste même quand vous n'avez rien. Alléluia. Vous pouvez remettre l'argent alors que vous avez acheté quelque chose, vous n'avez pas d'argent. Et c'est lui le caissier, par erreur, il vous remet beaucoup d'argent. Vous pouvez rentrer. Il ne faut pas dire, oh non, Dieu vraiment est bon, il savait. Dieu ne sait rien. Il t'a seulement éprouvé. Tu peux ramener, tu peux dire, non, vous n'êtes pas franga mingi. Ce n'est pas que j'ai beaucoup, mais je suis juste. Aujourd'hui, l'Église a affaire avec la bataille des valeurs. Les valeurs ont pris beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo comme un pays qui a plus de 85% de chrétiens. Si on a 85% de chrétiens, on devait voir les valeurs chrétiennes s'imposer à tous les niveaux de la nation. Mais c'est le contraire. Les églises se multiplient. Dans chaque avenue, dans chaque rue, il y a même des églises qui sont côte à côte. Pas loin de nous ici, il y a une église ici à côté. L'autre est devant, l'autre est derrière. C'est-à-dire le mur, et c'est le mur de planches. Les autres louent ici, les autres louent là-bas. Et tous parlent de Dieu. Ils sont dans la liste de chrétiens. Partout, on a des églises. Le problème, ce n'est pas le nombre. Le problème, c'est l'impact. S'il y a un ministre qu'on dit qu'il est voleur, mais il appartient à une église, il a un pasteur. Et ce pasteur est en train de déclarer. Il dit, Dieu nous a bénis, nous avons un ministre parmi nous. Alors s'il a volé, pourquoi nous l'attaquons? C'est nous tous. Je parle? Je peux parler? Vous connaissez combien d'églises, combien de pays chrétiens au monde? Vous connaissez combien de pays musulmans? Pakistan, Arabie Saoudite, Algérie, et Égypte, où la constitution c'est le Coran. On te dit, nous sommes nés, nous grandissons, nous mourons musulmans. Mais Jésus a combien de pays chrétiens? C'est seulement la Zambie en Afrique qui a déclaré que nous sommes un pays chrétien. Mais tous les autres pays qui ont beaucoup de chrétiens, c'est ce camoufle. Oh, nous sommes des laïcs. Laïc veut dire vous n'êtes ni chaud ni froid. Et malheureusement, écoutez le sort. C'est que dans le pays laïque, les amis, par exemple, les musulmans, sont en train de régner. Ils ne règnent pas par la prédication. Ils règnent par la stratégie. Et on doit dire ces choses. Je prends l'islam. L'islam prend seulement les hommes riches. Ils prennent les bénéfices de leur pétrole. Et ils avoient les bénéfices, ils cherchent des gens. Ils les avoient dans des pays chrétiens. Ils viennent sous forme de commerçants. Ils engagent les gens, ils leur donnent la condition d'être des musulmans. Et ils multiplient leur race. Entre-temps, les chrétiens sont sur la montagne, en train de prier. Et les lois sont en train d'être prises au Parlement. Qui prend ça? Les musulmans, ils sont stratèges. Quand il arrive dans une ville, il s'accroît économiquement, il se fait ami du maire de la ville, il se fait ami du gouverneur, et entre-temps, nous sommes en train de dire, « Ah, tu as pas l'autorité, c'est tout qu'on a en baouku. » Et entre-temps, nous sommes en train de dire, « Seigneur, élève des hommes justes. » Alléluia. Quand Jézabel se lève, il nous délocalise de notre endroit. Il nous chasse de notre territoire et il commence à nous pousser même vers le suicide. L'homme de Dieu a fui. Et quand il a fui, il commence à dire, Seigneur, tue-moi. Tu ne mourras pas. Il faut laisser un héritage. Le diable est en train de nous délocaliser. Laissez-moi vous dire à quoi consiste le combat de la délocalisation. Je vais parler de 5 points. Quand on dit le diable veut vous délocaliser, il veut vous déplacer, premièrement, de la zone de votre communion avec Dieu. Dieu ne vous parle pas partout. Vous n'êtes pas en relation avec Dieu partout. Dieu dit dans Genèse 3, 9 à 11, il dit ceci. Adam, où es-tu? Ce n'est pas qu'il ne savait pas là où Adam était. Mais il était en train de dire, Adam, tu es sorti de notre relation. Tu es sorti de notre communion. Tu es sorti de notre alliance. Laisse-moi te dire ce matin et te poser la question. Est-ce que tu es encore dans la communion avec Dieu? Deuxième chose, vaincre la bataille de la localisation, réussir à se maintenir dans la zone de votre rendez-vous avec Dieu. Dieu ne vous rencontre pas partout. Dieu vous rencontre là où il vous a donné le rendez-vous. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 50, le verset 2, Dieu est en train de poser la question. Je suis venu pour vous visiter. mais je n'ai trouvé personne. Comment tu ne peux pas, tu ne nous as pas trouvé alors que tu es partout? Non, je suis partout, mais pour chacun, j'ai un lieu de rendez-vous. Cherche ton lieu de rendez-vous. Ton lieu de rendez-vous, c'est ton nom. Ton lieu de rendez-vous, c'est ta mission. Ton lieu de rendez-vous, c'est ton appel. Quand tu es dans cette zone-là, alors tu as la visitation de Dieu. Même la sécurité de Dieu. Troisièmement, réussir la bataille de localisation, c'est réussir à se maintenir dans les postes de notre vocation. Habakkouk chapitre 2, le verset 1er, il est en train de dire ceci. Je me tiens, où ça? À mon poste. Et c'est là que Dieu va me parler. Dieu te parlera là où il t'a placé. Dieu te parlera dans ton appel. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, réussir la bataille de la localisation, se rester dans la zone de son impact. À d'autres termes, se rester dans la zone prophétique de votre appel. Nous ne réussissons pas partout. Nous réussissons là où Dieu nous a placés. Nous réussissons dans la zone que Dieu nous a établie. Nous ne sommes pas des beaux joueurs partout. Nous ne sommes pas des gagnants partout. Je peux réussir ici. Je prêche et l'arche dit Alléluia. Oh! Et puis quand on dit il y a la députation, je dis mais on a beaucoup des assois. Si tous les assois me votent, moi je vais être candidat aussi. Et puis on me dit tu as eu sa voix. Je commence à vous dire vous, je croyais que vous m'aimez là. Vous ne m'avez même pas voté. Il y a quelqu'un qui était même fâché contre sa femme parce qu'il n'a pas eu 5 voix. Et il dit, mais ma famille a plus de 5 voix. Et il a fait une réunion en famille. Il dit, mais comment moi je peux manquer ces voix ici? C'est que vous aussi, vous ne m'avez pas voté. Dans le bureau où vous êtes allé, j'ai eu 5 voix. Expliquez, toi tu as voté qui? Même sa femme ne croyait pas à sa carrière. Dis à celui qui est à côté de toi, frère, tu ne réussis pas partout là. Tu réussis dans ta zone prophétique. Il y a des gens qui ont réussi dans une zone et ils ont eu des ambitions. Oh, je vais aller aussi là-bas. Papa, quoi qu'on pique ta sion? Quoi qu'on pique crise à Pamba? Josué chapitre 1, le verset 3 à 5. Dieu dit à Josué, Josué, va, prends le territoire à possession. Partout où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais vous aurez comme territoire de victoire. Depuis le fleuve jusqu'au désert, jusqu'à la forêt du Liban. Il lui donne les limites. Le tout dans lequel il doit réussir a des limites. Bien-aimé, notre tout de victoire a les limites. Je peux réussir dans le commerce. Si je vais dans la politique, je vais mourir. Je peux réussir dans la politique et je commence aussi une église, ça va échouer. On ne commence pas une église parce qu'on a l'argent ou on aime Dieu. On commence l'église parce qu'on a un appel pour ça. On ne commence pas un parti politique parce qu'on est professeur d'université. Il faut avoir de l'appel. On ne réussit pas partout dans la vie. Connais ton nom et reste dans ton nom. Tu réussiras ça beaucoup d'efforts. Cinquième chose, c'est réussir à se maintenir dans les principes divins. Vous devez arriver à vous maintenir dans les principes de Dieu. Savez-vous que dans l'église, nous sommes en train d'échouer parce que nous avons remplacé les principes par les zèles, par les offrandes, par les prières, par les jeûnes, par les relations avec les hommes de Dieu. Quand je suis ami aux révérends, quand je suis ami aux intercesseurs, je vais réussir. Non, il y a des principes naturels. Quand on les brise, on échoue. Israël se retrouve dans les déserts. Et Balak est venu pour tuer Israël. Balak est venu pour éliminer Israël. Et Balak, c'est un homme spirituel. Balak comprend que ces gens, je ne vais pas les vaincre au plan physique. Je vais d'abord les éliminer au plan spirituel. Il appelle Balaam. Là, nous sommes dans Nombre chapitre 21 et 22. Il appelle Balaam. Balaam vient, il commence à élever des autels. Et il maudit Israël. Quand il maudit, ça ne tient pas. Il y a un ange qui protège Israël. Qu'est-ce que Balaam a dit? Tant que ces gens sont dans leur point de localisation, ces gens marchent selon le rythme de la colonne. Quand la colonne de feu ou la colonne de nuée bouge, ils bougent. Quand la colonne s'arrête, ils s'arrêtent. C'est-à-dire, ils sont au point nommé, au point que Dieu connaît. On ne peut pas les avoir. Il y a des victoires que tu auras sans la prière, sans les offrandes, sans les jeûnes, simplement parce que tu es sur la terre où Dieu te voit. Mais le diable va chercher à te délocaliser de là. Qu'est-ce qu'il fera? C'est ce que Balaam a dit. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Qu'est-ce que c'est sa doctrine? C'est dire, nous ne pouvons pas vaincre ces gens dans les combats. Mais il faut les infiltrer dans leur loi, briser leur loi, briser leur communion avec Dieu. Là, ce n'est pas nous qui les combattrons, c'est Dieu lui-même qui va les éliminer. Et Balaam a dit à Balak, cherche seulement des jolies filles dans ton royaume, avoue ça à ces gens. S'ils tombent dans le péché, ils auront brisé le principe. Dieu va les tuer. Et c'est ce que Dieu a fait. Il y a plus de 120 000 hommes qui sont morts par la plaie, dans la plaine de Moab. Pourquoi? Parce que les filles sont venues, les hommes d'Israël ont commencé à coucher avec ces filles, et Dieu, qui les a protégées, les a tuées. Respectons le principe. Il y a le principe du travail. Il y a le principe du donner et du recevoir. Il y a le principe de respect dans la société. Le principe de respecter les aînés, respecter les cheveux blancs. Le principe, il y a beaucoup de principes. Ça n'a pas besoin de jeûne et prière. Vous n'avez pas besoin de jeûner pour donner votre dîme. C'est un principe. Vous les brisez, vous parlez à langue. Karama chanta gororoboboshaya. Les démons disent, moi, tu es où? Il n'y a pas de problème. Il va mourir pauvre. Il aura des révélations. Il aura des prophéties. Laissez-les. La famine va la ramener parce qu'il a brisé un principe. Quand tu brises un principe, le diable n'a pas besoin d'envoyer les sorciers. Parce que Dieu lui-même va te tuer. La nature elle-même va t'arrêter. À quoi consiste la guerre des transferts? Le transfert consiste à vaincre cinq choses. La première chose, c'est être à mesure de développer la mentalité des saisons et la limitation humaine face à la mission divine. C'est un combat. Qui a déjà réfléchi sur sa tombe? Joseph d'Arimathée, lui, avait déjà fait la tombe avant de mourir. Et vous savez ce qui arrive? Quand on prépare sa tombe, Jésus entre dedans, avant vous. Est-ce que tu as déjà pensé à la mort? Parce que tu vas mourir. En fait, il y a des moments où quand nous parlons la langue, nous croyons que nous ne mourrons pas. C'est ce que Dieu rappelle à Josué avant de l'élever. Il dit, Josué, mon serviteur, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Il y a beaucoup de leaders dans notre société. Quand tu leur parles de passer à la génération passée, ils disent, on a peine à Nikoufé. Mais où t'as Koufé? Je sais que déjà l'onction est partie dans vos cœurs. Parce que personne ne peut prétendre. La mort existe. Qui va donner l'offrande des prophètes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la mort qui nous attend? Je suis aujourd'hui dans la doctrine. Je ne suis pas dans l'émotionnel. On va mourir. J'ai une bonne nouvelle pour nous. C'est que nous tous, on va disparaître. Vous savez, si nous comprenons ça, l'humilité vit en soi. Pourquoi nous sommes trop orgueilleux? Parce qu'on ne nous parle pas de la mort. Il m'a veste haute. Un jour, je m'imagine, je serai dans un cercueil là, calme. Si c'est moi qui va partir avant madame, si c'est elle, je ne sais pas. Vous voyez que vous pensez que je parle des choses difficiles. Mais c'est la vérité. Pourquoi nous sommes orgueilleux? Oh non, moi j'ai des lunettes. J'ai la veste, c'est marque italiano. Poussière, papa. Pourquoi on a du mal à transférer le pouvoir? Pourquoi on a du mal à laisser l'héritage? Vous savez pourquoi on n'a pas de familles riches, on a des hommes riches? Vous savez pourquoi on a des églises, on a des pasteurs puissants, on n'a pas des églises puissantes? Il y a des pasteurs qui sont connus plus que leurs églises. Ce sont des gens qui ont échoué. Vous allez aux États-Unis, vous allez dans les grandes nations. Ils n'ont pas peut-être Dieu, mais ils ont les valeurs. On parle des familles riches. Pourquoi? Parce qu'avant de mourir, on enseigne aux enfants comment on fait avec l'argent. Trump, il est le grand millionnaire, mais quand vous lisez sa biographie, on vous dit que son grand frère lui avait laissé 10 millions, je crois. Si je me rappelle bien, je peux me tromper les chiffres. Mais il a eu un héritage et on lui a parlé comment on gère l'héritage. Allez dans les bibliothèques des hommes blancs qui ont évolué. Vous allez trouver les livres du genre titre. Comment j'ai eu mon premier million? Comment j'ai réussi ma campagne électorale? Les gens sont prêts à transférer leurs projets, leurs secrets, leurs forces aux gens. Mais nous sommes dans la génération où on cache même un livre. Parce que si l'autre voit ça, il va être intelligent plus que moi. La puissance de Dieu, ça fait partie des richesses qu'on appelle les richesses infinies. Les richesses infinies, c'est ce qui ne se vide pas. C'est comme l'amour. Plus tu donnes l'amour, plus tu en as l'amour. Ce n'est pas comme l'argent. Si je te donne 5 dollars, je perds 5 dollars. Mais si je te donne la puissance, je deviens puissant. Pourquoi il n'y a pas de successeurs? Pourquoi? Vous savez, ça nous rattrape même dans les petites choses. Il y a un papa qui est mort parce que personne, la nuit, il a tombé, il a piqué la crise. Et dans la parcelle, personne ne pouvait conduire la voiture. Alors qu'il a des grands garçons à l'université. Vous voyez cette mentalité, ça peut vous tuer. Et ce papa est mort de l'attention. On est en train d'aller chercher les voisins. Oh non, Nanita Tutembeza. On appelle le chauffeur. Oh non, son téléphone est soit éteint, soit hors périmètre. Et la femme, la pauvre, elle a accompagné ce pauvre papa qui était rien. Il a eu la voiture, ils étaient ensemble. Mais la prendre même. Oh non, il est incapable. Couture à toute vitesse. Et on a les ménages, c'est facile. Tout côté na manine. On appelle ça quoi? Automatique. Couture à tout mbele, kurudia, na kuchunga tout moto na frais. Même les handicapés conduisent ça. Mais votre femme, votre enfant, vous ne pouvez même pas transférer cette connaissance. Dis à celui qui est à côté de toi, frère, transfère. Dieu dit, il dit à Élie, Élie, va, transfère l'onction que tu as. Où est Élisée à ta place? Oindre veut dire honorer. Parce que la Bible dit, vous regarderez celui qui a l'onction comme celui qui a la couronne. L'onction, c'est une couronne. Quand le pasteur prie pour moi, il m'honore. Le jour de ma consécration, il a dit, vous respectez cet homme. Parce que j'ai transmis quelque chose à lui. Je priais pour lui, il a mandat. Quand je suis ici, c'est sous mandat. Dis avec moi mandat. Et donc, il vous a livré à me respecter. Vrai ou faux? Si vous me rencontrez, vous me saluez avec respect, c'est au nom de cette onction qui a été sur moi. Je n'ai pas besoin de prophétiser pour être respecté. Mais ayant l'onction, j'ai été honoré. Il m'a honoré, il m'a fait honorer. Quand il dit va ouindre, ça veut dire va honorer quelqu'un. va reconnaître la grâce de quelqu'un. Deuxièmement, va équiper quelqu'un. Il y a des partis politiques où on manque de successeurs. Voilà là où la nation est arrivée. Voilà là où nos familles sont arrivées. Tu as travaillé dans l'entreprise 20 ans. Personne ne connaît comment on conduit l'entreprise. Et quand tu as l'attention, on continue à t'appeler dans les lignes des malades. Tu vas mourir avant le temps. Parce qu'on va t'amener, on dit non mais le code de je sais pas moi, du coffre est où? Et même si tu es en train de mourir là, on va demander le code. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. On disait que quand le président était mort, Kabila, on devait prendre son corps, je ne sais pas, aller toucher sur le coffre, parce qu'il était sur son doigt qui doit. Bien aimé, transfert. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de chefs qui meurent comme ça. Il est à l'Afrique très malade, mais l'entreprise ne fonctionne plus. Et on doit venir lui poser les questions alors qu'il est sous oxygène. On dit, pardon chef, mon quoi que ça dit, mais où y a ta carnet, wapi? Tu n'as pas choisi. Acclame le Seigneur, parce que toi tu ne feras pas ça. On doit réussir à transférer. Et la transfert réussit quand nous savons que nous sommes des hommes limités, mais nous portons une mission infinie. Quand notre papa parle de bâtir fort, c'est au-delà du pastoral. Il a besoin des hommes intellectuels, des professeurs, qui reçoivent l'onction pour les professeurs, qui va enseigner à l'université H de l'Alliance. Reçois cette grâce au nom de Jésus. On ne te demande pas d'aller faire la théologie. Va faire l'informatique. Va faire le développement. À garder la foi. À garder l'enseignement. Et quand on va commencer l'université, le pasteur dira, mais j'ai besoin de tel. Tu dis, je suis là. Ton onction s'est multipliée en moi à terme de sciences. On n'a pas seulement besoin de dire, et on dit, faites un plan. Vous pensez que tout ça, on fait à priant. Nous avons une mission illimitée que nous portons dans la chair limitée. La vision de Dieu est toujours grande que celui qui reçoit la vision. Tout ce que Dieu nous dira est plus grand que nous. C'est pourquoi dans les promesses que Dieu nous donne, il y a une part des enfants qui viendront. J'ai été touché un jour par une phrase que notre papa a prononcée. Je n'ai jamais oublié ça. Il a dit ceci. Le Congo ne nous appartient pas seul. Il y a des enfants qui ne sont pas encore nés, qui ont droit aux richesses. C'est-à-dire, je ne dois pas consommer comme si, bah, si tout coule, mungwali tout. Non. Non, non, non. Il y a quelque chose pour la génération qui va venir. C'est pourquoi nous devons avoir la mentalité de la fin de saison. Si je prêche aujourd'hui, je dois bien le faire parce qu'il y aura un moment où je serai incapable de prêcher. Mais je dois être à mesure d'être content pour ce que j'ai fait pendant que j'étais fort. Le chapitre de Genèse a 5 phrases que j'aime. À la fin de chaque journée, la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le deuxième jour. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le troisième jour. C'est pour nous dire, vous devez être conscient que la nuit vient, le matin aussi. Deuxième chose, développer et appliquer la diversité onctionnelle. Voyez-vous l'homme de Moïse? Moïse, c'est un roi. C'est le Deutéronome chapitre 33, le verset 5. C'est un prophète. C'est aussi un juriste, législateur. Et en lui, il peut avoir l'onction. Il a prié pour Israël. Les gens ont prophétisé. Ils ont reçu l'onction des prophètes. À un moment donné, il a prié. Et les Betsalé ont reçu l'onction de l'art. Betsalé, si vous les demandez de prier, ils ne prient pas bien. Ils peuvent vous décevoir dans la prière. C'est du genre des gens qui sont chauds. Alléluia! Rantabaya. Il dort, la veillée n'a pas encore atteint 2 heures. Mais quand vous lui dites, réfléchis sur le projet, il est là. Quand il réfléchit sur le projet, il prend toute la nuit sans sommeil. Quand il est dans une veillée, il dort à tout moment. Parce que son onction n'est pas là. Alléluia. Nous avons l'onction diversifiée. Le Saint-Esprit a tout. Dans l'esprit, il y a des Daniel qui vont régner sur Babylone en restant chrétien. Il y a des Joseph qui vont gérer en restant chrétien. Il y a des Esther qui vont gérer en restant chrétien. Troisième chose, c'est développer la mission holistique. La mission holistique, ça veut dire, Dieu nous a donné trois missions et nous sommes restés dans une seule mission que nous appelons la mission rédemptrice. L'Église n'est pas là seulement pour prêcher que les âmes reviennent à Jésus. Mais il y avait la première mission qui a existé avant le péché, ça s'appelle la mission culturelle. La mission de développer la terre. On doit développer la terre. On doit développer les sommes. C'est dans ce monde-là où il y a l'éducation, où il y a les hôpitaux, où il y a les œuvres sociales, où il y a la capacitation. On améliore la condition des hommes. On intervient dans la vie sociale. On cherche des bons leaders. On élève des bons leaders. Ça n'a rien à voir avec le salut. La deuxième mission est venue quand l'homme est tombé, c'est le ramener à Jésus. Et la troisième mission qui est transversale, c'est la mission d'adoration. Alors Dieu dit à Élie, va oindre un prophète. Ça veut dire quelqu'un qui sera à ta place dans l'église. Parce que le jour où on l'a appelé, il a laissé son chat, il a laissé tout. Ok? Quand il a tout laissé, mais on devait oindre aussi le roi. Le roi n'est pas dans les sacerdoces. Le roi s'occupe de l'armée. Le roi s'occupe de la politique. Le roi s'occupe de la diplomatie. Ce n'était pas seulement le roi d'Israël, mais il fallait oindre aussi le roi étranger. Pourquoi Dieu lui dit ça? Il est en fait en train de lui dire, le roi qui est en train de te chasser, c'est parce que tu n'as pas été avec lui. Tu ne l'as pas oint. Tu ne l'as pas équipé. Tu ne l'as pas approché. Il a été obligé d'avoir une femme étrangère. Pourquoi? Tu n'as pas impacté l'étranger. Cette fois-ci, tu vas oindre et le roi ici et le roi de l'étranger. Pourquoi? Parce que ta sécurité dépend de l'étranger. C'est Jésus qui va tuer Jézabel, qui va tuer les autres faux prophètes. C'est Azaël qui doit aussi faire une certaine vengeance. Mais vous savez que Élie n'a jamais oint aucun de ces trois. Est-ce que Élie a oué Élisée? Vous avez lu un verset où Élie a oué Élisée? Vous avez lu un verset où Élie a oué Jéhu? Vous avez lu un verset où Élie a oué Azaël? Il n'a jamais oué personne. Pourquoi? Il avait les blessures intérieures. Laissez-moi parler dans la dimension prophétique. Ce sont les deux voisins, Élie et Moïse. Ce sont des hommes qui ont fini leur mission par des blessures intérieures. Comment Moïse a fini la mission? On lui a dit, parle au rocher. À cause de la colère, quand il voyait les gens ingrats, les gens qui ne croyaient pas, il a frappé au lieu de parler. Dieu a dit, ta mission s'arrête ici. Élie n'a pas oué les gens parce qu'il était au nom ni oué. Mais voilà, je suis menacé. Il n'a pas oué personne. C'est pourquoi ils apparaissent dans la transfiguration. C'est pourquoi ils apparaissent en Apocalypse. Les deux témoins qui reviendront, ils n'ont pas fini leur mission. La Bible dit Abraham se repose. Et Lazare se repose dans les seins d'Abraham. On n'a pas fini. Yesu anakuja kufanya mission yake, oh Elia na apparaît. Oh Moïse, ça c'est là la dimension prophétique. Vous venez faire quoi? Oh non, il venait dire donner des informations à Jésus. Jésus a besoin des informations. Ils ont échoué de transférer. Je vais vous parler de quelques dégâts avant de terminer. Il y a quelques dégâts du manque de transfert. Quand nous ne savons pas transférer la grâce que Dieu nous donne, quand nous ne savons pas diversifier l'onction que Dieu nous donne, Jézabel va nous attraper. Parce que Élie n'a pas réussi le transfert. Voilà pourquoi Jean-Baptiste va être tué par une femme du roi. On a coupé sa tête. Parce que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Alléluia. Moïse n'a pas bien transféré aussi son autorité. Et son collaborateur, Josué, a laissé le vide derrière lui. C'est pourquoi on a les juges. Je vous donne quelques cas. Le premier cas, Élisée n'a pas été capable de transférer l'onction. Élisée n'a pas oint. Vous n'allez pas voir Élisée, son successeur. Et au lieu d'aller aussi oindre Jéhu, il a envoyé son serviteur. Et pour Azaël, au lieu d'aller les oindre, il lui a donné seulement la prophétie à plairant. Toi, tu tueras les enfants d'Israël, tu seras roi. Il dit, mais moi, je vais les tuer comme ça. Comment? Il dit, tu seras roi. Si vous lisez ces versets, vous allez trouver ces références. Mais Élisée, premièrement, il n'a pas eu de successeur. Deuxièmement, il maudit son serviteur. Il a maudit Élisée. Mais pourquoi Géasi a pris l'argent de Naaman? Parfois, nous prêchons seulement là-bas. Nous prêchons que, oh non, Géasi aimait l'argent. L'amour de l'argent appelle la lèpre. Mais vous voyez, si j'ai papa ici, quelqu'un veut me donner un véhicule et il dit non, nous sommes saints, frère. Acha ile gari. Et neza kunikoroga. En fait, quand vous lisez dans 2 Rois 4, 17, il y a une femme veuve qui vient parler à Élie, à Élisée. Il dit, mon mari était ton serviteur. Et tu sais qu'il craignait Dieu. Il y a une commission parle, il y a une oubiri. Mais il y a une na madeni. Il y a Élie qui a été kukili, Élisée. Il y a une femme qui a été ule baba aliacha banataka uzishiwa meweye unajua gisa alikuwa fidele muhuduma mi anakufa na deni. Et vous savez, vous devez produire l'argent par l'onction, pas produire l'argent pour réparer des problèmes. Je ne veux pas des miracles qui viennent payer les dettes, je veux des miracles qui engendrent l'argent, parce que la Bible déclare, vous ne demanderez pas des dettes. Son onction venait réparer les problèmes. Vous allez voir ça. Et il dit, bon, qu'est-ce que tu as? Allez, amenez les vases, on multiplie l'huile. Mais pourquoi le serviteur des grands hommes comme ça était endetté? Est-ce qu'on ne peut pas produire l'onction avant pour ne pas tomber dans les dettes? Ça, c'est un fait. C'est pourquoi c'est dans le chapitre 4, le chapitre 5, Géasi Combra, il dit, oui, baba, hapanake. On a Naaman na leta sadaka anaikatala. Uyu baba iko na probleme. Ngwa mimi njende kwa Naaman. Ilikuri di Naaman ule vio simfate. Tuko na ma probleme leta kwa ile franga. Ka il revient au lieu de dire mais we mtoto unafanya nini? Il pouvait peut-être lui dire que non papa, vraiment unaona kunyumba kuko shida na mie nisikufe saa ule na madeni, niliona Naaman na leta. Il dit na ukoma yake ikufate. Quand vous lisez la suite, vous allez voir que Géasi n'a jamais eu la lèpre. Dans le chapitre suivant, la Bible dit, il y avait un jour où Géasi était devant le roi et lui racontait les victoires d'Élisée. Est-ce qu'un lépreux peut venir donner les victoires? On peut être lépreux et venir parler au roi? Cette malédiction-là n'a pas tenu. Je parle dans la dimension prophétique. Je suis en train de vous montrer les dangers de ne pas transférer à temps la grâce. Il a maudit son serviteur. Et l'autre jour, quand vous lisez dans le chapitre 6, les fils des prophètes sont en train de venir lui dire, notre père, cet endroit est petit, nous devons l'élargir. Il dit, allez-y. Il dit, non, Kossa va venir avec nous. C'est que la vision est renversée. C'est lui qui a la vision. Il commence à avoir les inputs des enfants. Ce sont eux qui constatent que la maison est petite. Parce que oui, mutiko kiro sana na lala tout. Anasau kambato abapumu ete na apa. On doit élargir. Bon, arrêtons sur le dernier fait. C'est glorieux quand on dit, voilà, les os d'Élisée ont ressuscité les morts. Mais c'est une catastrophe. C'est qu'il est mort avec l'onction. C'est un dégât, il est mort avec l'onction. Dis à celui qui est à côté de toi, toi tu dois mourir vite. Il ne faut pas que les gens ressuscitent dans ta tombe. Pourquoi? Et on a comme l'impression que sa tombe là était très accessible. Non, j'essaie de parler juste dans une autre facette. Parce qu'il y a des dégâts quand on n'a pas transmis. tu as la grâce de Dieu. Premièrement, ce qui est à toi, mets ça dans quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de choristes qui chantaient ici bien. Ils sont partis. Mais l'œuvre continue. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des guitaristes. Il faut qu'il y ait des bons modérateurs. Chacun doit former quelqu'un. Quand Dieu dit fin de la saison, tu n'as pas de problème. Dans nos familles, dans les gouvernements, formons les gens. Il ne faut pas qu'on te dise, non, est-ce qu'il y a, tu as quelqu'un ou non? Il n'y a personne. Non, c'est un échec. Deuxièmement, il faut être en mesure, vraiment, de diversifier notre onction. Ayons les gens partout. Dieu nous veut partout et ça sera bien. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis, Seigneur, je dois laisser une victoire aux enfants qui viendront. Je dois laisser une victoire à la génération qui viendra. Je dois laisser une victoire dans ma nation. Je ne vais pas laisser l'échec. Quelqu'un prie le Seigneur. Quelqu'un parle à Dieu. Je ne veux pas laisser l'échec. Je vais laisser un héritage. Je vais transférer ce que j'ai eu. Je ne vais pas être délocalisé. Je dois accomplir ma mission complètement. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur.